Plus informé qu'un crébin, plus velu qu'un nain, voici Radio Syrah. Approchez voyageurs et écoutez le programme de la journée. Aujourd'hui, un hors-série spécial revenant sur la rencontre IRL du serveur Syrahnon, accompagné de musique et s'achevant de quelques trucs et astuces. Puisse votre écoute vous rendre un peu plus riche en rire et en sagesse. Bonjour à tous, ici Épi d'Azachou et Pomme d'Épi. Nous passons à l'entretien de ce mois-ci, qui est un peu spécial puisqu'il est consacré non pas à une confrérie ou à un groupe de joueurs, mais à un événement qui s'est déroulé le 2 février dernier à Lyon. Il s'agissait bien sûr de l'IRL de Syrahnon, donc de tous les joueurs qui ont bien voulu venir et qui étaient présents, qui a été organisé par Luna des Larmes de Feu. On est toujours ici sur Radio Syrah, sur un format radio, mais vous trouverez dans cette vidéo des images, des moments qui ont été filmés aussi pendant la soirée. Donc si vous voulez profiter de ces images, il faut regarder la vidéo, sinon ça ne marche pas. On a aussi rajouté un petit peu dans la vidéo des images de la ville de Lyon, qui ont, elles, été honteusement chopées sur le net, parce que quand on était là-bas, il faisait vraiment très mauvais, il faisait super mauvais même. Il a un peu plu, mais c'est surtout qu'il y avait beaucoup de... Enfin, il y avait un peu de brouillard, il y avait un petit peu de ciel gris et tout, donc ça faisait pas des photos magnifiques. Donc voilà, on a rajouté des petites photos qui ne sont pas de nous. Par rapport à l'organisation, je sais plus ce que je voulais vous dire... Oui, l'IRL, en fait, il avait été lancé début décembre, ce qui a permis aux joueurs qui étaient intéressés, qui voulaient venir, de s'organiser, le temps d'acheter, de trouver des billets de train, des billets d'avion, des réservations pour l'hôtel aussi, pour ceux qui restaient plusieurs jours. Et nous, de notre côté, ça nous a laissé du temps, surtout à Luna, pour trouver une salle, pour tous nous accueillir, parce que nous étions tout de même 30 inscrits. Et voilà, on voulait quelque chose qui soit facile d'accès, qui soit proche de la gare, proche de l'hôtel aussi, où les gens dormaient pour le week-end. Donc voilà, c'était pas évident. L'idée en fait de cette IRL avant tout, c'était de faire connaissance avec d'autres joueurs de l'Otro, mais aussi d'échanger autour d'un repas, et puis de voir un petit peu si ce genre d'événement pouvait intéresser la communauté, pouvait plaire aux gens, afin de peut-être en refaire d'autres, qui sait. Et du coup, pour faire un petit bilan, c'était un assez grand succès, pour une première rencontre en tout cas. Il y a des joueurs qui se sont déplacés des quatre coins de la France, même de Suisse. Comme on le disait, les conditions météo n'étaient pas forcément top, donc sur place il faisait pas très beau. Après, en y allant au mois de février, on savait bien que ça allait pas être maillot de bain pour tout le monde, hein. Mais il y avait aussi beaucoup de neige, surtout pour le retour, ça a un peu gêné les transports, ceux qui rentraient en train, parce que voilà, il y a beaucoup de neige qui est tombée autour de la région lyonnaise, donc c'était un petit peu compliqué. Il y a des joueurs qui n'ont pas pu venir aussi à cause de la neige. Mais nous étions quand même une grande, grande majorité d'inscrits qui ont pu être là. On était d'ailleurs, je crois, 28 en tout. 28 pendant la soirée de l'IRL. Donc de tout âge, de tout horizon, de toute confrérie. Il y avait beaucoup de larmes de feu présents. C'est normal, c'était les organisateurs. Donc ceux qui se sont occupés de tout ça. Je crois qu'il y avait aussi des membres des gardiens d'Arda, des héritiers de Numenor, de Prophétie, des Pick-up de Luxe, des Gwaït, des Unqual. Enfin, juste une Unqual, il y avait que moi. je sais pas d'autres, j'oublie peut-être des confréries, désolée. Mais il y avait beaucoup de monde en tout cas, on n'a pas tout retenu. Du coup, comme on le disait un peu avant, la soirée de l'IRL en elle-même, c'était le samedi soir, donc un restaurant indien qu'on avait privatisé pour l'occasion, avec apéro, dîner, etc. Mais voilà, certains joueurs sont restés le week-end, 2 ou 3 jours sur Lyon, pour profiter de la ville, pour manger dans des bons restos, des bouchons lyonnais, tout ça, visiter un peu. Donc voilà, ça a permis aussi pour certains de se poser un week-end ici, etc. Pendant la vraie soirée, du coup, au resto, il y avait des petits jeux qui avaient été proposés par moi-même, de grande qualité, n'est-ce pas? Il y avait En fait, le but, c'était un peu de briser la glace, voilà, d'éviter que si on se retrouvait à côté de quelqu'un qu'on connaît pas du tout, qu'on sache pas trop comment aborder le sujet, etc. On était quand même tous là autour du jeu, autour de l'autre, donc on a pensé qu'il fallait, je sais pas, des petites animations, des petits trucs pour parler de ça, en fait, que ça c'est ce qui nous rassemblait tous, entre guillemets. Donc du coup, on avait fait un petit time's up autour de l'univers du jeu, des petits mots croisés aussi, c'était assez marrant. Et en fin de soirée, on a fait un petit coin photo pour permettre de faire des photos de groupe entre confrères, entre amis, etc. C'était plutôt sympa. Merci d'ailleurs à Eldrap parce que ça lui a pris un peu de temps. Le pauvre, voilà, il avait un bel appareil, donc tout le monde lui a demandé des photos à ce moment-là. Mais bon, c'était sympa de sa part. Voilà, je pense que si on devait faire un bilan un peu plus global, un peu plus complet, c'était un peu fatigant pour ceux qui avaient beaucoup de route. C'est pour ça que c'était sympa de rester, je pense, tout le week-end pour ceux qui pouvaient. Ça permet de faire vraiment un week-end tranquille. Voilà, de visite aussi dans la ville. Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est quand même une ville assez sympa. On n'est pas allé se faire un IRL. Si je dis une ville, je vais avoir des problèmes, mais à un endroit moche et pourri, Lyon, il y a quand même toujours des trucs à faire. Bref. Voilà, la soirée en elle-même, elle était vraiment super bien. Moi, alors c'est tout à fait personnel, on ne s'est pas mis d'accord, enfin, j'en ai pas parlé aux autres, mais moi j'ai trouvé que c'était bien. Après, je connaissais beaucoup de monde, déjà j'avais déjà vu en IRL, etc. Ou même dans le jeu, je connaissais plein de ceux qui étaient là dans le jeu, tout simplement. Donc ça m'a permis de passer un bon moment et de parler de plein de trucs avec plein de gens différents. Après, il y en a peut-être qui sont restés un peu entre eux, mais une fois encore, c'était pas facile, je pense, d'aborder des conversations avec des gens un peu inconnus, etc. Donc voilà, mais c'était super intéressant pour ça. On a profité d'ailleurs de la soirée au restaurant pour faire des petites interviews, alors vraiment à l'arrache totale. Je crois que c'était en plein pendant le repas. On n'était pas très concentrés. Il faisait un peu chaud. On n'avait rien prévu, donc on dit de la merde. Mais c'était marrant. Donc je vous laisse avec ça. C'est un peu honteux, hein, mais on assume. Hein. On est là pour ça aussi. Donc voilà, je vous laisse avec ces petites vidéos et à bientôt. Ciao. Ça tourne. Coucou. Bonjour. Allez, présentez-vous. Oh, pardon. Moi, c'est Epi. Moi, c'est Tam. Coucou les amis, est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous avez fait aujourd'hui? Ben oui, bien sûr. Alors moi, je me suis levée ce matin. Ne rigole pas. Après, j'ai pris la voiture et je suis venue pour l'IRL. Et toi, Tam, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'étais déjà sur place parce que j'étais là hier. Et t'as dormi où? Ben, j'ai dormi à l'hôtel, du coup. Bah, c'est alors. Avec plein de larmes de feu sympa. Ah, c'est vrai. Il y avait Luna. Ah ouais, je connais. Elle est un peu sympa, mais un peu directive parfois. Oui, je connais. Il y avait Zema là. Zema, ok. Et après, il y avait. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Erline, le pauvre Erline. Erline, on lui fait coucou, Erline. Il fait coucou, il est pas là. Ok, et du coup, on s'est retrouvés à midi au restaurant dans un petit bouchon lyonnais. Et on a super bien mangé. Et on a mangé jusqu'à 4h de l'après-midi. On remangeait à 19h25, c'est un peu compliqué. On n'a pas eu le temps de faire le goûter du coup à 16h, c'était fini quoi. On était encore en train de manger. Après, on a fait quoi? On a pas mal marché quand même pour digérer. On est allé aux toilettes. Dans ma chambre. C'est important. Non mais c'est important, je pense, pour la vidéo, pour la compréhension de l'histoire. Voilà. On a regardé un match de rugby. On a regardé un match de rugby. Et à la fin, c'est une équipe qui a gagné, mais je ne sais plus laquelle. Et après, on est venu manger au restaurant indien, et là, on est au restaurant indien en train de manger. Et il y a beaucoup de monde, c'est très sympa. On est 28. On est beaucoup. Et là, on en est au dessert. Ouais, c'est sympa. Et c'est grâce à Luna, tout ça. Si Luna n'était pas là. Si Luna n'était pas là, il n'y aurait jamais eu ça. C'est chaud, hein. Peut-être pour la remercier. D'ailleurs, vous savez ce que je propose, moi, qu'on fasse un bon pour Luna. On lui dit merci. On fait un bon pour Luna. On fait un bon pour Luna. Un bon, un bon, c'est quoi? Un bon, c'est pas faire un bon. C'est pas faire un bon. Non, c'est quoi? C'est quoi une autre? Faudra couper là. Hello. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Vas-y. Lui, c'est Mélan. Ah non, c'est Mohamed. Vas-y, allez hop. Moi, c'est Philippe Lorraine. Moi, c'est Mélan, sous divers noms. Ou les taxis. Non, ça, c'est comme ça que lui m'appelle. Ça vaut pas. C'est pas pour ça. Il n'y a qu'un seul chasseur. Un taxi. Bon, et vous jouez l'autre depuis combien de temps? Ouf, hein. 2 ans pour moi. 2 ans. Ouais, et toi, t'as joué avant aussi. Bon, ça vous plaît, ça va? Bah écoute, si on est venu jusqu'à Lyon pour rencontrer des joueurs, non, ça vous plaît pas. On déteste ça. Moi, je me plains parce que mon petit personnel, j'ai plus de taxis. Et d'ailleurs, on a pris tout le week-end sans jouer à l'autre pour pouvoir venir. Ça veut dire qu'on aime pas tant ça, l'autre. Ouais, c'est pas faux. Sira Musique. Je vais vous parler aujourd'hui du Red Planner parce que c'est quelque chose de très utilisé par les joueurs de l'Outro et qui mériterait d'être peut-être plus connu pour les débutants ou même ceux qui sont en phase de leveling. Donc on va commencer par faire un petit peu le point sur qu'est-ce que c'est le Red Planner, à quoi ça sert, etc. Donc le Red Planner, c'est un outil qui est disponible sur un site, le site de lotro.fr, et qui est donc lotro.fr géré par des joueurs de Cyranon. C'est un outil qui vous permet d'inscrire vos personnages à des événements en jeu, pour une sortie en instance par exemple, en raid, en PVP, pour une animation ou tout autre truc de groupe on va dire. Le Raid Planner est donc utile à l'échelle du serveur, mais aussi à l'échelle des confréries et des alliances entre les confréries pour organiser les sorties, les sorties de la semaine de votre conf pour plus de visibilité. C'est un vrai planning donc qui est vraiment bien utilisé par quasiment tous les gens un peu HL ou qui font du PVP, des choses comme ça. Et justement, par rapport à son utilité, je pense qu'il devient de plus en plus nécessaire sur un petit serveur comme Syrah, où il est parfois difficile de trouver du monde, voilà, on le sait, pour du pick-up, pour partir sur des vieilles instances qui sont pas toujours niveau max. On a beau demander en canal monde, on trouve pas toujours forcément quelqu'un dans la seconde, et l'avantage de poster ça sur le Raid Planner, c'est qu'au moins vous avez... un groupe à une date et horaire fixe, un groupe prévu à l'avance. Donc voilà, ça permet de rassembler un petit peu plus de monde autour d'un même event. Après, ça nécessite d'anticiper un peu les sorties à l'avance, forcément, ce qui n'est pas toujours évident pour un jeu comme l'Otro, hein, vu que bon, on n'y passe pas notre vie forcément dessus. Mais voilà, c'est quand même bien pratique. Ça évite aussi les galères de dernière minute, enfin... Voilà, c'est quand vous créez un groupe de A à Z sur le canal monde à 20h50 alors que le raid il doit partir à 21h, ben souvent ça se passe pas comme ça quoi, ça, c'est pas très pratique. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un groupe en avance, même si tout le monde peut avoir effectivement une petite contrainte IRL au dernier moment ou quelque chose. C'est voilà, après ça fait 15 joueurs à dépanner, c'est pas pareil que tout un groupe. Ensuite, comment inscrire votre personnage sur le Raid Planner, ou vos personnages, puisqu'on peut en inscrire beaucoup. De toute façon, pour interagir sur le Raid Planner, je sais pas, pour voir des events, pour faire des trucs, vous devez créer un personnage, c'est obligatoire. Pour cela, c'est simple. Il y a un onglet tout en haut qui s'appelle « Mes personnages », où vous pouvez créer vos personnages. Je sais pas combien. Franchement, je sais même pas s'il y a des limites, je sais pas. Vous pouvez même créer vos personnages monstres, ici. Vous pouvez indiquer le niveau de votre perso, sa classe, la race, le serveur. Par la suite, vous pouvez aussi ajouter des infos complémentaires comme le nom de famille, l'adresse du perso, ses vertus, son niveau de réputation, le nom de sa conf ou encore son métier. Et peut-être d'autres trucs aussi, je sais plus. Pour rejoindre votre confrérie sur le Raid Planner, donc je sais pas, vous venez de créer un petit personnage et tout, et vous voulez être tagué avec votre conf, hein, pour rejoindre votre confrérie sur le Raid Planner, il suffit de taper le nom de votre conf dans la barre de recherche prévue à cet effet. Et ça dépend un petit peu après des réglages de votre chef de conf, mais généralement, les chefs de confrérie doivent ensuite vous valider pour que vous ayez accès aux sorties de votre confrérie sur le Raid Planner. Vous apparaissez aussi dans la liste des joueurs de la confrérie quand on clique sur la conf. Voilà, une fois que vous êtes validé, normalement on vous voit avec les autres. Si vous ne souhaitez pas du tout être visible avec votre personnage sur le site de lotro.fr, que ce soit dans la liste justement de la confrérie ou tout simplement quand on clique sur votre nom, vous pouvez cocher une case pour être anonyme. Et ben ça mettra personnage anonyme et les gens ne sauront ni votre niveau, votre race, votre classe, ils sauront rien quoi, en gros. Enfin si, la classe ils le savent en fait, ça, je dis de la merde, c'est le seul truc qu'ils savent, enfin, ils sauront juste vos noms et votre classe quoi. Bref. Alors, comment rejoindre un groupe? Le Raid Planner c'est un calendrier en fait, c'est un calendrier mensuel. Et vous voyez plein de petits trucs dessus qui sont des events. Tous les events qui sont en rouge, c'est les événements serveurs, c'est-à-dire c'est les événements qui sont visibles partout, pas par tout le monde, partout Cyranon. Cyranon, je sais jamais comment dire ce truc, Cyranon. Si vous voyez des choses en bleu, ce sont les sorties qui sont visibles uniquement par votre conf, et en jaune, c'est les sorties de vos alliances de confrérie. Du coup, pour vous inscrire, c'est simple, vous devez juste cliquer sur l'event qui vous intéresse. Vous pouvez alors voir en détail toutes les infos, l'heure, les gens déjà inscrits, les commentaires liés à la sortie, etc. Et vous avez en dessous un bouton s'inscrire, En cliquant dessus, vous avez plusieurs possibilités. Premièrement, le choix du perso, si vous en avez plusieurs. Ensuite, la nature de votre dispo, si vous serez là à 100%, vous mettez que vous êtes dispo. Si vous êtes intéressé par le truc, mais vous savez pas trop si vous pouvez vous libérer, etc., vous mettez incertain. Et si, au contraire, vous êtes sûr de ne pas être là et que vous voulez prévenir de votre absence, vous mettez absent, tout simplement. Dessous, vous pouvez autoriser ou non le changement de personnage. Donc, en cochant les autres personnages disponibles, vous laissez en gros le lead du groupe choisir quel personnage il préfère pour la sortie. Je vous donne un exemple très concret. Si vous inscrivez votre chasseur, par exemple, à un raid, parce que voilà, vous avez très envie de jouer chasseur en ce moment, vous pouvez aussi cocher, par exemple, votre ménestrel, votre capitaine, j'en sais rien. Et comme ça, le lead, il sait que vous avez inscrit votre chasseur, c'est votre premier choix, mais qu'il peut compter sur votre méné ou votre capi en cas de galère, voilà, qu'il peut vous switch sur ces classes-là. C'est vous qui voyez ou non si vous voulez jouer un seul perso ou plusieurs. Vous pouvez aussi du coup laisser un petit message en dessous pour préciser une information, enfin, ou j'en sais rien, poser une question sur la sortie, expliquer quelque chose au lead ou au groupe, demander des trucs, enfin voilà. C'est un espace du coup qui est ouvert pour discuter de cet event-là en question. Quand vous retournez sur le Red Planner, sur le calendrier, il y a un symbole à côté de la sortie où vous êtes inscrit. Si c'est une croix, c'est que vous avez mis absent, vous n'êtes pas là. La petite étoile bleue, ça veut dire qu'un membre de votre confrérie participe à la sortie. Un point orange, c'est que vous avez mis incertain, et un point vert, c'est que vous êtes dispo. Si par contre vous avez une flèche verte, c'est que vous avez été confirmé par le lead, c'est-à-dire que vous êtes validé sur la sortie, enfin, qu'on vous attend le jour J, que c'est bon, vous êtes pris, quoi. Si vous n'êtes pas confirmé, c'est parce que sûrement il y avait déjà trop d'inscrits, ou enfin, le lead vous a pas pris, ou parce qu'il vous aime pas. Enfin, je rigole. Enfin, voilà, quoi. Peut-être qu'il vous aime pas, hein. Du coup, au niveau de la navigation, vous avez les mois tout en haut que vous pouvez faire défiler. J'en sais rien, moi, si vous voulez mettre un event dans très longtemps, vous pouvez déjà le planifier à l'avance, c'est possible. Ou même visualiser des sorties qui sont déjà, enfin, des mois précédents. Ensuite, vous choisissez le serveur, et à droite, vous pouvez choisir, vous pouvez regarder les sorties côté monstre, en PVP. Mais généralement, parce que c'est plus pratique, les events PVP, ils sont indiqués côté héros, et on précise juste en commentaire si on vient en héros ou en monstre. Ça évite d'avoir deux events séparés en même temps, enfin, on comprend pas trop, sinon. C'est galère pour équilibrer, et puis surtout en tant que monstre on pense rarement à aller voir l'onglet des monstres, donc c'est plus pratique comme ça, on fait tout en héros et c'est très bien. Après, n'hésitez pas à regarder quand même de temps en temps si vous jouez monstre, le petit onglet monstre, il peut y avoir des trucs, on sait pas. Comment créer un événement sur le Red Planner? Vous pouvez participer à des sorties, mais vous pouvez aussi créer les vôtres. Pour ça, vous cliquez j'ai écrit une phrase qui veut rien dire là. Vous cliquez que la case du jour qui vous intéresse. Vous cliquez sur la case du jour qui vous intéresse. Je pense, sur. Mais oui. Donc vous cliquez sur la case qui vous intéresse, quoi. Et vous devez renseigner plusieurs petites choses. Déjà, vous devez trouver un nom à votre sortie. Enfin, essayez de mettre des noms assez explicites, des trucs qui parlent à tout le monde. Ça aura plus de chances d'attirer des gens que si vous mettez un truc que personne ne comprend. Enfin, si vous partez sur un raid, Drégoche, vous mettez raid Drégoche, quoi. Enfin, pas trop chercher midi à 14h. Après, vous indiquez le thème de la sortie. Honnêtement, la plupart des gens mettent divers. Ça n'a aucune importance. Si c'est du PVP, vous pouvez mettre PVP. Si c'est du roleplay, vous mettez roleplay. Si c'est les grottes, vous mettez les grottes. Mais sinon, vous mettez divers. Ça n'a aucune importance. Après, il y a la visibilité. Ça, c'est important. Elle permet de dire qui pourra voir votre événement. Si vous n'avez pas de confrérie, il n'y a que la visibilité serveur. Visibilité. C'est dur à dire ça. Il n'y a que la visibilité serveur qui est possible. Sinon, vous pouvez choisir que votre conf plus votre alliance, tout le monde, c'est vous qui voyez. Après, les horaires, c'est vous qui voyez, hein, c'est pas compliqué. L'heure de départ, c'est quand la sortie démarre. Les invitations, c'est quand vous allez commencer à grouper pour votre truc. Donc généralement 5 à 10 minutes avant le départ, pas bien plus. La fin des inscriptions, c'est jusqu'à quelle heure les gens peuvent s'inscrire pour votre event. Et la fin de l'event, enfin de l'événement, c'est l'heure approximative de la fin de votre sortie. Après, vous pouvez cocher une case pour masquer la possibilité de s'inscrire en incertain. Si par exemple, vous voulez qu'il y ait seulement des gens 100% sûrs d'être dispo qui s'inscrivent, et tant pis pour les autres, vous pouvez vous inscrire vous-même à la sortie en cochant la case qui est juste en dessous. Et pour la gestion de l'event et des inactifs, ça n'a pas grand intérêt, mais bref, ça dépend de vous. Et sinon, petite astuce, pour éviter de tout noter à chaque fois, enfin de renoter à chaque fois les heures et les trucs comme ça, vous pouvez tout paramétrer par défaut. Si par exemple vous faites absolument tous vos raids à 21h avec tout le temps le même truc, machin, vous allez dans préférences et vous faites un modèle de base pour les prochains events que vous organisez. Comme ça, il n'y a pas tout le temps besoin de tout renoter. Vous avez aussi la possibilité dans le petit onglet vacances, de noter vos absences un peu longues. Du coup, ça vous note en fait comme étant absent sur tous les events de votre confrérie, et je crois de votre alliance aussi, pendant la période que vous indiquez. Donc si vous mettez je suis pas là du 12 au 14, non ça c'est pas assez long, attendez. Enfin, si vous pouvez, mais bon, ça sert à rien. Si vous mettez je suis pas là du 12 au 22, je sais pas quoi, février, du 12 au 22, vous serez absent sur tous les trucs de votre conf et de votre alliance. Merci de votre écoute et merci aussi de nous suivre aussi nombreux sur les vidéos, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vous souhaite de bonnes aventures en Terre du Milieu et à bientôt! L'heure est venue de reprendre votre route, voyageurs. Que votre barbe pousse toujours plus longue, vos poils d'orteil toujours plus soyeux et vos oreilles toujours plus vives. Jusqu'à notre prochaine édition de Radio Syrah.